7, 13, activation orale, forme masculine et féminine. Mettez au féminin selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... 1. Le père est américain. Et alors vous dites... La mère est américaine. On y va? Deux. J'ai un cousin. J'ai une cousine. Trois. Il est canadien. Elle est canadienne. Quatre. C'est un indien. C'est une indienne. 5. Il est bon. Elle est bonne. 6. J'ai un frère tunisien. J'ai une sœur tunisienne. 7. Il est brun. Elle est brune. 8. Il est très fin. Elle est très fine. 9. Le père est algérien. La mère est algérienne.